Sur ma planche à roulettes ou ma bicyclette, tu as des fuites, moi j'ai la triste. Sur le boulevard, rangé d'oignons, sans désespoir. Tu as le cul qui boule, ma belle, j'ai pas trié toutes les poubelles. Que va-t-il dire de ce monde? À l'ambition certaine, hypocrisie, je partirai pas maintenant, je suis là. Tu as dompté tout l'horizon, que reste-t-il à découvrir de toi? Ton corps qui passe, ah, qui est passé au crime. Ton corps fut passé au crime. Par d'autres que moi, par d'autres que moi. Oh, oh, oh. Sur ma planche à roulettes ou ma bicyclette, tu as des fuites, moi j'ai la coton sur le boulevard, rangé de mions sans désespoir. Tu as le cul qui bouge, ma belle, j'ai batterié toutes les poubelles. Que veux-tu dire de ce monde à l'ambition certaine, hypocrite? Je partirai pas maintenant, je suis là.